Amour de mon amour, au bord de la mémoire, où s'engouffre le temps irrémédiable et pur de tout ce que recèle encore d'illusoire ce regard dévoré d'un fascinant azur. Quelle force attentive et douce à n'y pas croire, et si proche du rien qu'un rien la troublerait, d'un souffle cependant d'irrésistible gloire, comme un vent brusquement ranime la forêt, balayant d'un seul coup l'obstacle dérisoire d'un mal qui pour toujours de nuit la comblerait, se lèvera du fond de ta native histoire pour te rendre à jamais ton âme et ton secret, amour de mon amour, au cœur de la mémoire.